Je suis un pierrot courbé. Je ne veux plus voir le monde. Je suis un pierrot courbé. Je ne veux plus voir le monde. Je contemple mes souliers. Un œil à la fenêtre, le givre a pétrifié ses larmes ici. Et si tu cherches les étoiles, elles ont refroidi. Mon humble retraite, ces murs de briques emportés par la vigne. Le lierre est d'artiste fougère, cravate l'Éden. Le seul murmure, celui de la pierre. L'intrépide Colombie s'est fait la belle. Ne me rejoins pas. Je suis un pierrot courbé. Je ne veux plus voir le monde. Son poids m'a broyé les chiens. Quand jadis je pleurais, le sel s'évidait dans les veines du bois. Aujourd'hui, c'est l'eau blanche des glaciers qui l'entraîne. Je croyais aux fables, j'avais des ailes et d'infinies richesses. Mais les chênes, les séquoias, les érables sont noirs. Le vent violent me prend les yeux, descend de ma veste. Une marionnette en haillons, voilà ce qui reste. Je ne t'attendrai pas, car toi le Sahara te tiendra chaud. Je suis un pierrot courbé. Je ne veux plus voir le monde. Ma main est prête au voyage. Mmh.